Voilà, bonjour à tous. Merci encore une fois d'être si fidèles à nos rencontres malgré tout ce qui se passe à côté, le marché de la poésie, la finale de Roland-Garros. Cela dit, avec ce temps, vous êtes bien mieux ici et en plus en bonne compagnie puisque nous recevons Marie-Hélène Lafon. Alors, Françoise l'a déjà dit, c'est un cycle autour de la nouvelle. Marie-Hélène Lafon n'est pas seulement nouvelliste, elle est également romancière, même plutôt romancière. On peut dire une bibliographie d'une quinzaine d'ouvrages. Qui compte plusieurs recueils de nouvelles que vous avez rassemblés ensuite dans ce recueil. La dernière fois, vous vous souvenez peut-être, Alain Quévès avait été lauréat du prix Prométhée de la nouvelle, un prix qui n'existe plus mais qui était prestigieux à l'époque. Marie-Hélène Lafon a eu le prix Goncourt de la nouvelle, qui est aujourd'hui le prix le plus prestigieux pour ce genre de texte. Il n'y a plus de prix Prométhée et il n'y a rien d'autre. Je disais une quinzaine de romans et de nouvelles, plus deux petits ouvrages que je ne sais pas comment qualifier. Vous allez Moi m'aider. non plus. Très bien, je savais que vous alliez m'aider. Ce ne sont pas tout à fait des essais. Moi, je pencherais plutôt pour des petits traités. Hein, un petit traité sur l'écriture, chantier, un petit traité plutôt sur le rapport au paysage, mais sens des traités ou autre chose, si vous-même ne savez pas. Bon, on va dire des traités, hein, c'est bien, les petits traités. Alors, on va tout de suite commencer. On va écouter Marie-Hélène lire, hein, parce que c'est quand même très important, mais juste une première question. Pourquoi ce recueil l'avez-vous baptisé Histoire au pluriel, plutôt que Nouvelle, ou plutôt qu'un titre qui aurait repris l'un des titres du recueil? Histoire. Merci d'être là, d'avoir inventé ce moment. Alors, je vais vous dire très brièvement. En fait, ce livre, il a une histoire particulière et très liée à celle de ce livre-là qui est cette forme qui n'a pas de nom. Moi, je dis que c'est une forme qui n'a pas de nom, ça, vous voyez, chantier. C'est un livre sur l'écriture, c'est un livre sur la lecture. Il y a des départs de pistes, comme on dit, des départs de récits, qui pourraient donner lieu, si c'était développé, à des nouvelles, voire à des romans. Il y a de la prose poétique, et il y a aussi des passages qui frôlent l'essai sur l'écriture. Et tout ça fait une forme qui n'a pas de nom et que j'ai intitulée Chantier. Et ça, en fait, ce texte-là, je ne l'ai pas publié chez mon éditeur principal, qui est Bûcher Chastel. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette précision. J'avais promis ce livre-là à cet éditeur-là. Les éditions des Buscla, c'est une maison qui a une particularité. Elle a été fondée par Michel Gazier, dont vous vous souvenez peut-être qu'elle écrivait dans Télérama, jadis, et Marie-Claude Char, la veuve de René Char. Elles sont très amies toutes deux, elles ont fondé cette maison, et le principe de cette maison, c'est de publier des pas de côté d'écrivains dont l'éditeur principal est autre. Annie Ernaux a publié dans cette collection, Pascal Horry a publié dans cette collection. Oui, vous voyez? Donc, des gens qui ne sont pas forcément des romanciers d'ailleurs, hein, qui peuvent venir d'un tout autre univers et qui publient un seul livre, en principe, chez Aubuscla. Vous voyez? Donc, c'est une maison d'édition qui a un profil tout à fait singulier. J'avais promis un texte. J'écris ce texte, je le donne à Aubuscla pour publication. Et je préviens quand même mon éditrice, chez Buchet Chastel, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Je la préviens, je lui dis voilà, Pascal, elle s'appelle Pascal Gauthier, voilà, ça, je vous donne ce texte. C'est pas pour vous, c'est pour les buscles. Ouh là là, mon Dieu. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Argument massue, nous l'aurions bien mieux diffusé et vendu, ce qui est vrai, parfaitement vrai, bien entendu. Hein. Bûcher est une maison de moyenne force et les buscles, c'est une petite maison. Moi, je dis, je n'ai qu'une parole, je la tiens, j'avais promis. Bon, elle fait la tête pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, elle revient à la charge et elle me dit, si vous en êtes d'accord, on republie vos deux livres de nouvelles, Liturgie 2001, Organe 2006, lesquels livres de nouvelles avaient été publiés avant que mes romans ne deviennent plus visibles. Vous voyez, moi je commence à publier des romans en 2001. C'est à partir de l'annonce en 2009 que, en vertu de je ne sais trop quel principe qui me reste parfaitement opaque, hein, mes romans sont devenus beaucoup plus visibles. Vous voyez. Donc Pascal Gauthier me dit, si vous êtes d'accord, on republie toutes vos nouvelles, on les rassemble, Ne prenez pas ça, me dit-elle, pour, comment dire, un signe de vieillissement accéléré. Hein. C'est pas... ça sent pas le sapin. Hein. C'est que, voilà, nous pensons, et elle avait parfaitement raison, que vos nouvelles vont trouver un lectorat, maintenant que vous êtes davantage connue comme romancière, qu'elle n'avait pas touché auparavant. C'était parfaitement vrai. Hein. Voilà. Donc, j'ai dit oui, je suis d'accord. Et j'ai proposé d'écrire un inédit, voyez, sur le rapport entre roman et nouvelle. Parce que ça, c'est une question centrale dans mon travail. Roman, nouvelle, nouvelle, roman, dans les deux sens. Donc j'ai dit à Pascal Gauthier, pour telle date, je vous fais un texte, parce que j'étais en train de ruminer ça. J'avais déjà fait une intervention dans un colloque à Cerisy sur cette question-là. Vous voyez, ça me tracassait. Donc j'ai dit, je vais faire quelque chose, un machin, je vous le donne. Ça s'intitulera, le texte en question, Histoire. Voilà, au pluriel. Et on est tombé d'accord, ensuite, toutes les deux, sans, vous voyez, pour donner ce titre-là à l'ensemble du livre, qui reprend donc les nouvelles de liturgie, 2001, les nouvelles d'organe, 2006. Il y en avait 5 dans le premier livre, il y en avait 12, je crois, dans le second. Et par ailleurs, d'autres nouvelles aussi, qui avaient été publiées et qui n'étaient plus disponibles. L'une chez un petit éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bleu Autour. Mmh. Une petite nouvelle intitulée La Maison sans toit, qui est reprise ici, elle n'était plus disponible. Et l'autre, alors là, l'autre qui avait, elle, complètement disparu, une nouvelle qui s'intitule Bon en émotion, qui devait être de 2002 ou quelque chose comme ça, vous voyez, hein, et qui n'était plus du tout disponible non plus. Étant bien entendu que La Maison sans toit est une nouvelle qui est profondément liée à mon roman intitulé Les Derniers Indiens, à l'origine c'était dans le même manuscrit, et que Bon en émotion est une nouvelle que j'ai ensuite reprise dans un roman qui s'intitule Mots. Oui. Et je fais ça extrêmement fréquemment. Voilà. Donc tout ça, c'est un tout très organique. Ah. Voyez, voilà. Et je n'ai pas publié d'autres nouvelles depuis, d'ailleurs, puisque la dernière fois que j'ai pensé commencer un livre de nouvelles, c'était, alors ça devait être en 2008. Ouais. J'ai mis en chantier un texte dont je pensais que ça allait être un livre de nouvelles, et finalement je me suis retrouvée avec un roman, à savoir Les Pays. Vous voyez ? Donc ça fait longtemps que je n'ai pas publié de livre de nouvelles. Ça, c'est une réédition. La surprise absolue ayant été que cette réédition est le Goncourt de la nouvelle. Les avez-vous retravaillées, celles de liturgie et d'organe ? Non, telles quelles. Non. Promises telles quelles, telles plus quelles. D'autres. Alors. Moi, je les eusse volontiers retravaillées. Mais mon éditrice m'a dit, Marie-Hélène, non. Parce qu'elle a pensé, et je l'ai laissé penser, là, pour le coup. Parce que, vous savez, la relation avec un éditeur, c'est quand même beaucoup une relation de... Il faut défendre son territoire. Hein. Bon. Mais là, pour le coup, je crois qu'elle avait raison. Elle a pensé que si je les retravaillais, j'allais tout réécrire. Quoi. Et elle avait raison, elle avait raison, elle avait raison. Donc, pour... Et le titre vous convenait ? Histoire, ça vous convenait ? Ah oui, alors... Justement, moi j'ai du mal avec ces classifications-là, romans, nouvelles, tout ça, ça me fatigue. Hein. C'est, en ce qui me concerne en tout cas, je considère qu'un texte, c'est comme un coureur, il a sa longueur organique. Un coureur va donner le meilleur de lui-même, tantôt, enfin, il faut trouver sa distance. Hein. Un tel va donner le meilleur de lui-même sur 1000 mètres, l'autre 5000 mètres, l'autre 10 000, l'autre semi-marathon, l'autre marathon. Il faut trouver sa distance, ben, un texte c'est pareil. Un texte à sa distance. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec, enfin, à mon sens, hein, mais je ne théorise pas là-dessus, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on soit obligé, vous voyez, de mettre roman ou nouvelle ou récit sur une couverture. Sachant pertinemment que si on met nouvelle sur une couverture en France, ce n'est pas un bon point. Hein. Non. On est bien d'accord, hein, vous le savez très bien, hein, en termes éditoriaux, en termes commerciaux. Hein. C'est beaucoup plus difficile de trouver sa place, hein, avec des nouvelles qu'avec un roman. Moi, j'ai d'abord écrit des nouvelles et j'ai trouvé un éditeur avec un roman. Qui a ensuite publié les nouvelles, mais qui n'en avait... Enfin, je ne lui avais pas présenté à lui, hein, au demeurant, ces nouvelles-là, mais il n'en aurait certainement pas voulu, comme les autres. Il n'en avait pas de public. Ah oui, bien sûr que non. Donc, vous voyez... bon, voilà. Donc, moi, j'aime bien ce mot générique, histoire. Voilà. Hein, parce que, au fond, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très... chevillé à la bête humaine, hein, c'est le goût des histoires. Voilà. Qu'on nous raconte des histoires. Voilà. Hein, alors... en ce qui me concerne, hein, je veux surtout qu'on me les raconte avec une langue qui s'invente. Hein. C'est surtout ça qui m'intéresse, pour tout vous dire. Je veux dire par là que si Pierre Michon me raconte l'annuaire, je l'écoute. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Voilà. Mais j'aime ce mot histoire. Donc, je suis contente qu'il... Et puis, il y a autre chose de particulier au sujet de ce livre. Tous mes autres livres, vous voyez... Voilà. Tous mes autres livres ont une couverture typographique. Vous voyez, hein, le dernier, La Novice, c'est une jaquette. On peut l'enlever si on veut. Voilà. Et celui-là, non. Celui-là, il a une couverture, ce que j'appelle moi, une couverture historiée, avec une image, comme on dit. Mais ce n'est même pas une image, c'est un morceau de peinture. C'est moi qui ai demandé que ce soit un détail d'un tableau d'un peintre que j'aime infiniment, qui est mort cet automne, qui s'appelait Jacques Truffémus, qui est un peintre trop peu connu à mon avis. Et j'ai demandé que ce soit plus qu'un détail, un morceau d'un tableau qui est un tableau de paysage, vert et bleu, un morceau d'été. C'est comme avoir un morceau d'été dans sa main. Vous voyez. Et j'aime assez la matérialité de ce livre même. Voilà. Donc c'est du donnant-donnant à votre éditrice. Vous lui donnez ça et vous faites une couverture. Ceux d'entre vous qui ont eu cette expérience-là savent que... Enfin, moi, j'ai compris ça dès que j'ai vu un éditeur pour la première fois de ma vie, en 2000. Hein. Je l'ai senti tout de suite à l'instinct. Peut-être parce que je suis fille de paysan que j'ai vu mon père faire le maquignon. Hein. Mais il faut marquer son territoire et savoir jusqu'où ne pas céder ou, au contraire, sur quel point se montrer souple au risque de passer pour psychorigide. Oui. Alors, vous parliez de langue. C'est l'occasion de vous entendre, peut-être. Alors, il y a beaucoup de nouvelles dans ce texte. Donc, Marie-Hélène vient de le dire, la distance... Il y en a certaines qui font 15-20 pages, c'est un petit peu long à lire. Donc on a décidé ensemble d'une nouvelle d'une longueur raisonnable. Et là, on va vous entendre. Vous nous donnez juste peut-être le contexte. Est-ce qu'elle se situe dans un recueil précédemment publié ou autre? Oui, cette nouvelle s'intitule « Les Mazagrans » et elle se trouve dans le recueil Organe. D'accord. Voilà. Donc Organe, ça doit être 2006. C'est une nouvelle... qui pourrait se passer à cette heure-ci, là, mais pas en cette saison. C'est une nouvelle de novembre. Les Mazagrans. Les femmes boivent le café. Il est chaud dans les Mazagrans. Les femmes sont assises sur les bancs dans la cuisine. Leur corps ne pourrait pas être ailleurs, dans une salle à manger ou un salon, sur une bergère, sur un sofa. Pas dehors sous la glycine, pas dans un jardin l'été, ni sur une terrasse. Ces femmes n'ont pas des corps pour ça, pour l'été, les jardins, les terrasses. Elles ont des corps pour l'ombre, l'hiver et les cuisines. Elles ont de vastes corps domestiques que plusieurs enfants ont traversés. Elles ne sont pas jeunes, mais pas encore tout à fait vieilles. Elles sont trois autour des Mazagrans, trois, les sœurs. Elle tourne dans le café, des cuillères longues et fines, même celle qui ne prend pas de sucre, l'aînée le fait. Le geste est doux, il meuble les silences de cliquetis infimes. Le silence entre ces femmes sent le café fort, presque dur, très sombre. La cafetière électrique 12 tasses est à portée de main, posée sur le plateau verni de la machine à coudre. Il suffira de tendre le bras pour se resservir tout à l'heure, un petit gorgeon dans le fond du Mazagran tiède, un gorgeon pour le goût, pour garder le goût en bouche. Les Mazagrans sont modernes, à la mode. On a ce qu'il faut dans la maison. Les tasses fines servent pour les grands repas de famille, les baptêmes et les communions, par exemple, ou quand on se rassemble après un enterrement. Les Mazagrans conviennent pour les femmes quand elles sont entre elles, en comité restreint, 4 ou 5 au plus. D'ailleurs, on n'a que 6 Mazagrans. On ne les sort pas pour le vétérinaire, ni pour le marchand de bestiaux ou le couvreur. On n'a jamais vu un homme de la maison boire le café dans un Mazagran. Ils ne connaissent que les tasses en cas de cérémonie, ou le verre à la fin du repas, ou le bol du matin, mais le matin, ils préfèrent la soupe. S'ils prennent un café vers 9 ou 10 heures, quand le travail est déjà bien avancé, c'est dans le bol ou dans un verre. Et ils trempent. Du pain beurré, de la brioche, du cake au raisin, ils ne le demandent pas. Ils prennent ce qui reste, ce qui est posé sur la table dans une assiette. Ils font du bruit et se penchent. Ils salissent la toile cirée. On nettoie derrière eux. On n'essaiera pas de les convaincre pour les Mazagrans. Ils n'aiment pas le changement. Ça ne les intéresserait pas. Tenir les Mazagrans entre leurs mains réconforte ces femmes. Le Mazagran a la bonne taille pour se caler dans le creux des paumes, la première gorgée bue. Il reste chaud, mais pas brûlant. On parle. On regarde le gris de novembre qui monte dehors, dans la cour et dans le pré. On pense à l'hiver, quand les maisons sont encore plus seules, perdues dans le noir dès le milieu de l'après-midi. On pense à la neige, au froid long qui prend aux jambes et enserre le corps, en dépit de la veste épaisse et des grosses chaussettes dans les bottillons quand on va fermer les volets, les ouvrir, ou donner aux 6 poules que l'on a gardées. Les autres sont dans le congélateur. On a des provisions de viande, de légumes, on a des conserves, des bocaux, des confitures de diverses sortes. On vient de finir la pâte de coin, on l'a goûtée, elle est réussie. Depuis l'année de la grande tempête, et tout ce temps sans électricité, ni téléphone, ni télévision, ni rien, sans nouvelles, sans savoir, on prévoit même des allumettes, des bougies et des piles pour les lampes électriques. Les hommes sont sortis. Le jour de la Toussaint, il faut aussi traire les vaches, aller à l'étable, s'occuper des veaux, du lait. Les femmes ont débarrassé les restes du repas, lavé et rangé la vaisselle, essuyé la table, balayé le carrelage, avant de s'asseoir à nouveau dans la cuisine propre pour un autre café. Elles en ont refait, et du bon. On n'économise pas sur le café. On n'a pas réchauffé celui qui restait. On l'a jeté dans l'évier. La nappe sombre s'est dissipée, avalée par la bonde. La cafetière repue a soupiré plusieurs fois. Les femmes ont pris place dans la volupté toujours recommencée de l'odeur neuve. Elle ne parle pas des morts, qui sont de vieux décédés dont le décès s'est un peu usé, élimé avec le temps, même si on ne guérit pas de ces morts. Elles savent ces choses, mais il n'y a pas de mort récente dans cette famille. Pas de décès saillant en désordre, d'une criante inhumanité. Pas d'accident de voiture à la sortie du bal, pas de longue et cruelle maladie, pas d'infarctus, ni de rupture d'anévrisme survenue sur une mère de famille de 42 ans. Alors, ces femmes ont d'autres soucis, des soucis de vivant. Elles sont allées au cimetière, elles sont en règle. Elles ont parlé des enfants. Ils grandissent. Ils ne sont plus gentils. Ils réclament toujours ce que les autres ont autour d'eux, dans les écoles où ils vont, où ils voient de tout, et ils ne regardent que ceux qui ont plus, pas ceux qui ont moins. Ils n'en parlent pas de cela. Il doit bien y en avoir, pourtant on n'est pas les derniers. Les enfants ont ce qu'il faut, toujours ont fait le nécessaire. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas contents. Ils ne se contentent pas. C'est la maladie des enfants d'aujourd'hui. Et ils le disent. Et ils rebattent les oreilles des mères. Les pères ne s'occupent pas de ça. C'est l'affaire des femmes. Les filles, surtout, sont désagréables. Tout leur est dû. Il faudrait tout commander sur le catalogue, acheter sans fin des tenues nouvelles, pour les mettre 2 ou 3 fois, parce que si, parce que ça, et elles font les princesses, et ça voudrait rester au lit le matin, et des heures dans la baignoire, et elles sont trop grosses, c'est de famille, c'est la nourriture, et elles veulent s'épiler, et ça se maquillerait, ça fumerait si on laissait faire, ça répond, ça vous parle mal. Elles sont tranquilles pourtant. On s'occupe de tout pour elles, dans la maison. Le linge, le ménage, tout. Elles aident à peine, c'est rare. Elles ont du travail. Elles doivent être étudiées. Mais ça claque les portes. On ne comprend rien. On n'y connaît rien. On n'a jamais rien vu. Elles écoutent des musiques en anglais. Elles lisent des revues de chanteurs. Elles collent des posters de groupe sur le papier peint neuf qu'elles ont choisi. dans les études. Comment les suivre? Elles auront le bac. Elles auront des métiers. Les femmes se taisent. Elles n'ont pas été comme ça. Elles ont été jeunes, mais pas comme ça. Leur mère ne l'aurait pas supporté. C'était une autre époque. On ne restait pas dans ces écoles. On était à la ferme et on attendait le prince charmant. Elle se réfugie dans le cercle du café fort, de son parfum serré, qui tient en respect les menaces des gens, des choses, des corps, leurs corps, qui sont fatigués, qui commencent à l'être. Il n'y aura pas de recours. Elle trempe dans le fond du Mazagran des gâteaux plats, longs et effilés, des langues de chat, qu'il faut veiller à ne pas laisser ramollir dans le liquide encore chaud où il s'abîmerait en miettes lamentables, privant ainsi les sœurs de ce rare plaisir de tremper, qu'elles ne s'autorisent que dans la plus stricte intimité de famille, loin du regard des pièces rapportées. Belle sœur ou, pis encore, belle mère. Leur mère. Et leur grand-mère et la tante Tine trempaient déjà dans les tasses aliserées qui sont démodées maintenant et ne sortent plus de l'armoire. Elles n'achetaient pas de gâteaux. Elles trempaient de minuscules tuiles presque transparentes qui étaient le triomphe de la tante Tine. Elles savent la recette, mais c'est trop délicat. Elles ont essayé, elles sont bonnes cuisinières, mais... c'est peut-être la chaleur des fours modernes, on ne sait pas, on n'y arrive pas. Elles se souviennent que, friande de tuiles, elle prélevait la dîme à la volée, évitant avec soin, dans un tourbillon de jeunesse, de surprendre sur le visage des trois femmes l'éclat indécent d'un plaisir non encore éprouvé qui les dégoûtait un peu. Elles boivent le reste de café tiède, mêlé malgré leur vigilance de quelques menus débris de gâteaux sucrés noyés dans le fond du Mazagran. C'est déjà la nuit. Les hommes remontent de l'étable. Ils portent le lait de la traite. Elles attendent. Ils passent par la cave, on les entend. Ils sont en bottes de caoutchouc. Ils entrent avec les chiens, dans une odeur de bête et de vent mouillé qui ronde. Merci Marie-Hélène. J'aime beaucoup que ça vous fasse rire. Oui. Ça me soulage. Peut-être qu'on reconnaît certaines choses aussi qu'on a entendues. On en revient donc à ce que vous disiez. Comme je vous ai dit, on va parler un peu d'abord de la nouvelle avant d'arriver à votre dernier roman qui parle aussi d'une nouvelle. Vous avez des mots qui sont bien des mots de paysan, et je le dis sans être péjoratif. Ah ben c'est bien, sinon je repars tout de suite. Non. La nouvelle sert de terreau, d'humus à d'autres textes. D'accord. Oui. Un peu plus loin, vous parlez de départ de piste. Oui. Hein, piste aussi, c'est un mot que l'on peut voir ça. Piste que vous arrivez à faire converger pour atteindre le roman. Je pense par exemple à ce texte Les sols, qui a été écrit en 2006, à cet autre texte, Le Salon, qui a été écrit en 2009, et que vous avez regroupé dans un roman en y ajoutant un deuxième chapitre pour obtenir un roman Les Pays en 2012. Est-ce que cette gestation est toujours aussi longue? Comment ça se passe? Comment vous arrivez à retrouver les textes et à les fabriquer comme ça, les assembler? Oui, alors c'est un processus vraiment très très organique et très opaque. Et merci d'avoir relevé ces termes d'humus, de terreau. Il y en a d'autres dans votre vocabulaire. Oui, j'y viendrai tout à l'heure. En fait, quand j'ai commencé à écrire en octobre 1996, je dis volontiers que j'ai commencé à écrire des nouvelles parce que j'avais peur de ne pas tenir la distance. Voyez, et je pensais naïvement, puisque je n'avais jamais, avant l'âge de 34 ans, écrit quoi que ce soit, je pensais naïvement ça me faisait moins peur. Je pensais naïvement que c'était moins difficile. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est une toute autre dynamique d'écriture, mais c'est pas moins ni plus difficile d'écrire des nouvelles que d'écrire des romans, vous voyez. Mais moi, j'ai commencé comme ça, avec un texte qui est très court, qui s'intitule Liturgie. Et ensuite, j'ai écrit deux textes plus longs, qui sont des longues nouvelles, qui s'intitulent Jeanne et Alphonse. Et dès Jeanne et Alphonse, ce processus-là, de rumination d'une part, et d'autre part de coagulation textuelle autour d'un noyau, comme la chair du fruit qui se met autour du noyau, s'est mis en place dès ce moment-là, sans que je m'en aperçoive. Hein. C'est a posteriori que je m'en rends compte. Ces deux nouvelles, Jeanne et Alphonse, donc certains extraits sont là, je crois, hein, je les ai écrites en 97, donc c'était vraiment tout à fait le début, vous voyez, à partir de bribes d'histoire familiale, un oncle et une tante de mon père, bribes vraiment extrêmement minces, extrêmement ténues, mais très tenaces, que je connaissais depuis l'enfance et l'adolescence, et que j'avais en tête depuis l'enfance et l'adolescence, parce que le désir d'écriture, je l'ai toujours eu, hein, vous voyez, hein. Et instinctivement, je sentais déjà que ces bribes-là, c'était des pistes, vous voyez. Donc bribes très minces, hein, très ténues, encore une fois, d'histoire d'un oncle et d'une tante de mon père, donc grand-oncle et grand-tante pour moi, hein, bribes colportées par ma mère. Propos de la mère sur la famille du père. Vous voyez ? Propos jamais entourés de questions, hein, jamais questionnés. Je ne sais pas si je serais devenue écrivain si j'avais grandi dans un milieu où on posait des questions. Dans le mien, on n'en posait pas. On comprenait instinctivement que ce n'était pas la peine. Vous voyez ? Et ça, je pense que pour la macération, le travail de terreau, c'est excellent. Excellent. Vous voyez ? Donc, ce processus, au fond, hein, que j'ai retrouvé quand je suis entrée, il y a maintenant 22 ans, hein, dans le travail d'écriture pour n'en plus sortir, parce que je travaille tout le temps, ce processus, hein, de prolifération de la chair du récit autour d'un noyau qui est la piste, hein, je n'ai fait que le radicaliser et que le généraliser, mais il était déjà en place dès le début. Dès le début, vous voyez. Et par exemple pour Alphonse, pour cette nouvelle Alphonse, j'avais très peu de choses, hein. Ce que j'appelle le noyau, vous allez voir ce que c'est pour Alphonse. C'est une image, mais très ancienne, très très ancienne, et très sporadique. J'ai dû le voir une ou deux fois dans ma vie, cet homme-là, qui était donc mon grand-oncle, hein. L'oncle de mon père, donc mon grand-oncle. J'ai dû le voir une ou deux fois dans ma vie, sauf que les deux fois où je l'ai vu dans ma vie, deux, trois fois, à tout casser, il faisait une chose extraordinaire que je n'avais jamais vu aucun autre homme faire, il faisait la vaisselle. Vous voyez ? C'est tout. Pas besoin d'en... Voilà, il faisait la vaisselle. Et je comprenais qu'il ne fallait pas demander pourquoi cet homme faisait la vaisselle. Jamais dans mon univers d'enfance, aucun homme n'aurait lavé même une assiette, quoi. Hein, vous voyez ? C'est tout. Ça, plus le fait qu'il était intermittent, tantôt il était là, tantôt il n'était pas là. Hein, et quelques bribes que j'avais entendues, hein, et puis qu'ensuite, quand j'ai grandi, ma mère m'a répété. Hein, et, vous voyez, ça a fait... Voilà, ça a convergé, en quelque sorte. Quand j'ai commencé à écrire, très très naturellement, lui, Alphonse, donc, et Jeanne, par ailleurs, qui était la tante de mon père, que j'avais connue, elle, hein, sont devenus, mais j'ai presque envie de vous dire, mais mon premier terrain d'exercice textuel, quoi. Extrêmement naturellement. Et en fait, le processus est toujours resté le même. Hein. Donc, je ne prends pas de notes, je ne fais pas de plan, vous voyez, je n'ai pas un carnet où je dirais, voilà, je vais faire ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça, hein. Ça se fait comme ça tout le temps. J'y pense tout le temps, d'une certaine manière. Hein. Parfois, j'ai l'impression que c'est complètement en sommeil, et puis je me rends compte que c'est pas en sommeil. Hein. Et entre le moment où, par exemple, je publie, vous voyez, parce que ces dates, je les ai très présentes à l'esprit, hein, le moment où je publie une nouvelle qui s'intitule donc Gordana, c'est 2012, je la commence en 2010. Je la publie en 2012. En juillet 2013, je repars sur le chantier, et ça devient un roman qui sortira en 2017. Vous voyez, donc, c'est long. C'est long. Et tenez-vous bien, ce qui a fait noyau et qui a donné lieu à cette nouvelle qui s'intitule Gordana, que je publie en 2012, hein, les images séminales de Gordana, les moments vraiment, hein, le lieu, le moment, les images, la personne qui est devenue personnage, je la rencontre en 2003-2004. Entre 2004 et 2010, il ne se passe rien. Hein. Enfin, si, il se passe tout. Il se passe ça. Le processus de maturation, hein, dans ce que j'appelle les caves profondes, alors de la mémoire, je ne dis pas cave profonde au hasard, hein. Parce que je close ce propos en vous disant que je dis volontiers, hein, de manière un peu ironique, que je descends d'une dynastie fromagère, hein, c'est-à-dire que mes parents entre 1962 et 2008 ont fabriqué du Saint-Nectaire fermier, hein, parce que la ferme dans laquelle ils vivent encore aujourd'hui se trouve dans la zone d'appellation contrôlée du Saint-Nectaire fermier dans le Cantal, hein, c'est un fromage qui mûrit en cave profonde. Et avant eux, mon grand-père paternel a fabriqué pendant des décennies du Cantal. Même processus. Vous voyez, hein, on le laisse mûrir en cave profonde, on le retourne. Hein, et on l'essuie. Hein, et quelque chose se produit, hein, qui fait que, au bout du compte, le fromage est bon ou pas. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de carnet de notes, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de technique d'écriture ? Non. Ce qui est étonnant, c'est la durée. On est quand même là sur une durée de 6 ans. Ah, mais totalement. Ça peut être pire que ça. Hein. Bon en émotion 2000, mot en 2005. Absolument. Absolument. Être... Oui. Et c'est pas fini, ce processus-là, vous voyez. En ce moment, par exemple, je suis extrêmement tentée, mais très très très tentée, hein, je me retiens, mais extrêmement tentée de reprendre une nouvelle qui n'est pas dans l'histoire, d'ailleurs, qui est jumelle de Bon en émotion, donc qui est de 2000 aussi. D'accord. Et je suis très tentée, je vais peut-être le faire, donc vous vous rendez compte, 2000. Donc si je faisais ça, par exemple... si j'arrivais au bout, si j'ouvrais ce chantier, si j'arrivais au bout, enfin vous voyez, ça ferait un roman peut-être, je sais pas, mais en 2025. C'est très, moi-même ça me surprend, hein. J'appelle ça la ténacité, moi. Vous voyez, je veux dire par là que c'est pas moi qui suis tenace, ce sont les histoires qui le sont, les motifs au sens presque pictural du terme, vous voyez, hein. Il y a un motif, vous savez, on sait pas pourquoi, il y a un motif qui vous rentre dedans. Avec lequel vous entrez en collision ou en absorption, ça peut se faire de manière très insidieuse, très douce, sans qu'on s'en aperçoive, et c'est là, et c'est là, et c'est là, ça fait son chemin, mais je ne sais pas comment. C'est ce que vous venez de dire là, ça rentre dedans. C'est les deux citations en exergue, creuse sur place, ne glisse pas ailleurs, de Robert Bresson, et je veux rentrer dans les choses. Et puis il y en a une autre aussi, de l'intérieur. Un photographe. Voilà, et de l'intérieur, etc. Alors ce qui est moins fréquent chez les auteurs, donc là on a bien compris que la nouvelle sert du mus, on l'entend à peu près bien. Ce qui est moins fréquent, c'est de tirer une nouvelle d'un roman. Ah oui, voilà, j'allais vous dire, j'ai déjà fait l'inverse aussi. Oui, voilà. Ah oui. C'était sur mon papier, vous avez peut-être regardé aussi. Non, du tout. Non, mais merci infiniment. Bien sûr. Je pense à Roland. Ah mais bien entendu. Qui vient de l'histoire du chien. Ben alors là, je peux vous expliquer comment. Hein. Ça, c'est très simple. Et il y a deux nouvelles, La maison sans toit, dont j'ai évoqué le titre tout à l'heure, qui a un lien extrêmement organique avec le roman intitulé Les derniers indiens, qui en est en quelque sorte comme une sorte d'appendice détaché, qui en procède véritablement, vous voyez, hein. Et il y a donc Roland. Alors Roland, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je commence à écrire des nouvelles. 96. Ne doutant de rien, j'envoie Liturgie, un machin qui a un format nouvelle cour, et Roland et Jeanne, Jeanne et Alphonse, dont je viens de vous parler tout à l'heure, les trois ensemble. Donc, un format impraticable. J'envoie ça aux maisons d'édition qui publient des auteurs que j'admire. J'envoie ça chez Gallimard, chez POL, chez Verdier. Chez Minuit, j'en ai dû se rouler par terre chez Minuit, chez PEL aussi, de recevoir un machin pareil, bref. Et je vous passe les péripéties. Et en même temps, j'ouvre un autre chantier de quelque chose dont je me dis peut-être que je vais en faire un roman. Une histoire qui est devenue Le Soir du Chien et qui sera publiée avant les nouvelles, en fait. Voyez. Quand je trouve un éditeur pour Le Soir du Chien, c'est octobre 2000. Je signe mon premier contrat en octobre 2000. Alors vous allez me dire, c'est étrange de signer un contrat en octobre 2000 pour un livre qui paraîtra un an plus tard. C'est vrai, il y a un an de délai. Hein. C'est lié à l'histoire de la maison de M. Chastel qui venait d'être rachetée par Yann et Béra Michalski qui voulait la relancer en littérature française et qui voulait prendre le temps de le faire. Hein. Ils ont eu raison d'ailleurs, au demeurant. Hein. Donc voilà, moi je signe ce contrat et je sais que je serai publié en septembre 2001, à la rentrée littéraire suivante. Voilà, bon, rentre chez moi. avec mon contrat. Mais vraiment, ça me tombe dessus comme la foudre. Je me dis, j'ai pas fini le roman. C'est-à-dire, mes livres sont jamais finis. Les livres sont jamais finis. J'ai pas fini le roman. C'est-à-dire que dans ce roman, il y a un personnage qui s'appelle Roland, qui est un personnage secondaire, qui se suicide. Il se pend. Hier, Roland s'est suicidé, il s'est pendu dans l'atelier avec ses bottes. Et c'est le dernier tiers du roman. Et je savais, pour des raisons extrêmement personnelles, très liées à mon histoire personnelle, je savais que je n'avais pas fini avec lui et j'en finirai jamais d'ailleurs avec lui. Donc, je me suis dit, ton roman, t'y touche pas. J'avais du travail à faire. On m'avait demandé de retravailler les adverbes au moment, il y en avait trop. J'en ai enlevé une quarantaine, vous vous rendez compte, c'est un livre très court. Je mettais beaucoup doucement, tranquillement, enfin, vous voyez, beaucoup d'adverbes au moment. Ça alourdissait la phrase. J'avais ce travail à faire et il fallait changer le titre aussi. Il fallait trouver un autre titre. Mais j'avais juste ça à faire, vous voyez. Et je me suis dit, je ne réécris pas le roman. Mais je repars sur hier, Roland s'est suicidé, il s'est pendu dans l'atelier avec ses bottes. Je suis repartie là-dessus. Le personnage féminin, qui est un personnage central dans le roman, qui s'appelle Marlène, je l'ai réduite à la portion congrue, c'est-à-dire elle est devenue une initiale. M, point. Et elle est partie. De toute façon, elle est partie dans le roman. Quand le roman d'amour commence, elle est déjà partie. Donc, elle est devenue une initiale. Et j'ai resserré tout le texte autour de la relation d'amitié entre le personnage principal qui s'appelle Laurent et cet homme-là qui se pend, qui s'appelle Roland. Et j'ai réécrit toute la fin du roman. On y retrouve certains passages du roman et d'autres passages dans cette nouvelle qui ne sont pas dans le roman. C'est une manière pour moi de repartir sur les traces de celui qui a fait ça. Que je n'avais pas du tout anticipé. Parce que quand je commence un chantier d'écriture, et a fortiori à cette époque-là, c'était mon deuxième chantier d'écriture. Vous voyez, je n'ai pas de fiche personnage. Je ne me dis pas celui-ci va faire ci, celui-ci va faire ça. Pas du tout. J'y vais à tâtons. Et je n'avais pas du tout anticipé que ce personnage-là, personnage secondaire, vieux garçon très rentré, refermé sur lui-même, menuisier de son état, affligé d'une mère affligeante qu'il a laissé définitivement. Elle est morte, la mère, mais elle l'a laissé définitivement incapable d'être au monde. Enfin, vous voyez, c'est ça le profil du personnage en question. Je n'avais pas du tout prévu ce qui lui est arrivé. Et cette nouvelle, elle s'est imposée totalement. Je l'ai écrite pendant l'automne 2000. Pendant l'automne 2000, vous voyez. Puis voilà, c'est tout. Deux mois, trois mois peut-être de travail là-dessus. Et mon éditrice, très vite, m'a dit, Marie-Hélène, vos nouvelles qu'elle avait lues, je lui avais donné mes nouvelles. C'était le roman qui avait été accepté, mais je lui avais donné mes nouvelles. Elle m'a dit, vos nouvelles, on va les publier. Si vous en êtes d'accord, on va les publier. C'est elle qui a proposé le titre Liturgie. Vous vous rendez compte, il faut être gonflé. Publier un livre de nouvelles de quelqu'un qui a juste publié un premier roman. Bon, mon premier roman n'était pas passé inaperçu, mais c'était quand même... Et l'intitulé Liturgie. Bon, je me suis dit, c'est bon signe, ça. Et c'est elle qui, quand je lui ai donné le texte de Roland, a absolument tenu à publier Roland. Moi, je ne voulais pas publier Roland. Et elle a absolument tenu à le publier. Je lui ai dit, Pascal, ça me gêne parce que les gens vont penser, vous voyez, en termes de loyauté, je veux dire qu'on tire à la ligne, quoi. Voilà, qu'on veut étoffer ce recueil un peu mince, donc on reprend la fin du roman. Il y a des passages du roman qui sont... on a bataillé là-dessus. Et finalement, j'ai cédé et je crois que j'ai eu raison. Elle a eu raison. J'ai eu et juste eu tort de ne pas céder. Voilà. Mais vous voyez, c'est la vie des textes, c'est comme ça. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je prémédite très peu, très très peu. Ça n'empêche pas la ténacité, mais ça se fait en se faisant tout le temps. Et Roland, c'est une nouvelle à laquelle d'une certaine manière je suis très attachée. Pour des raisons qui ne sont pas du tout littéraires et que vous avez senti affleurer tout à l'heure. Et vous voyez, par exemple, c'est une nouvelle que je crois que je ne l'ai jamais lue en public, par exemple, vous voyez. Je ne m'y risque pas. Il y a des textes comme ça qui continuent à être extrêmement... vif. Oui, voilà. Et celui-là en est un. Et il est détaché comme ça. Il est là. Alors, on va revenir à ce travail entre roman et nouvelle quand on va parler de Gordana. Je voudrais faire juste un petit pas de côté sur, certains mots que vous aimez utiliser. Bon, le mot chantier, vous l'avez entendu plusieurs fois. Vous parlez d'établi. C'est un mot de travailleur manuel, établi. Oui, c'est un mot de travailleur établi, manuel. Chantier aussi, chantier. D'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup ces mots-là. Dans établi, il y a étable. On l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Je l'avais pas vu, celui-là. Donc, vous voyez, il doit y avoir quelque chose de... Voilà, il y a cette, l'extras agricole qui remonte. En fait... Travail du corps. Oui, alors, il y a deux choses à dire. Il y a évidemment ça, d'abord, hein, qui est fondamental. Je dis tout le temps, je l'ai écrit là-dedans, hein. Chantier, dans chantier, pour moi, l'écriture, c'est une affaire de corps. Ça passe par le corps, je lis à voix haute mes textes, c'est-à-dire que je leur fais traverser le tamis du corps, pour les travailler, hein, voyez, pour leur donner, tenter de leur donner le rythme et l'attention la plus juste possible. Ça se passe avec la lecture à voix haute, ça. Et debout, et souvent d'ailleurs en marchant. Donc, en marchant dans une pièce, hein, pas en marchant dans un espace ouvert. Donc, il y a cet engagement du corps, il y a que le corps est omniprésent dans tous mes livres. Très souvent d'ailleurs, la scène d'attaque est une scène qui met in situ, en présence et en votre présence, une partie bien précise du corps du personnage principal, les mains de Joseph, un autre attribut dans Gordana. Il y a cette présence-là. Et il y a aussi autre chose qui est plus difficile à démêler pour moi, c'est que, quoi qu'ayant ce que j'appelle volontiers tous les sacrements universitaires, vous voyez, c'est-à-dire... ayant absolument tenu avec une sorte de brutalité obtuse à être agrégé, docteur, etc., je suis absolument incapable d'un discours théorique sur la littérature de manière générale et le travail d'écriture en particulier. Le discours théorique... Le discours qui passe par l'abstraction et le concept, mais totalement fermé. C'est-à-dire que je ne le comprends pas déjà. Il y a ça dans les pays. Hein. Dans les pays, Claire, c'est le plus explicitement topographique de mes livres, Claire, dans les pays, s'endort dès qu'elle ouvre un article de Roland Barthes. Et ce n'est pas le pire. Hein. Vous voyez, chez Roland Barthes, il y a une écriture. Elle s'endort, je m'endors. Bon. Donc j'ai une sorte d'empêchement radical. Et en même temps, très tôt, on m'a sollicité pour parler du travail d'écriture et j'ai découvert que j'aimais ça. Et au fond, j'ai élaboré des champs lexicaux qui me permettent de me faire comprendre sur l'écriture, sur ce que ça met en jeu, hein, du point de vue technique aussi, hein, parce que j'aime parler de la technique, vous voyez, hein, sans passer par ce qui est de l'ordre du vocabulaire critique, si vous voulez, pour lequel je crois que je resterai définitivement maintenant, hein, duquel je crois que je resterai définitivement à distance. Vous voyez, donc il y a ces deux raisons, en fait. Hein. C'est qu'il m'a fallu trouver une autre manière d'aborder les choses. Alors, évidemment, ce qui m'amuse infiniment, ça je dois le dire, non sans une certaine coquetterie, c'est que je suis devenu, enfin mes textes, pas moi, hein, sont devenus depuis longtemps, naturellement, un terrain de jeu, prisé par les universitaires, qui s'en donnent à cœur joie avec leurs outils conceptuels qui sont extrêmement pertinents pour un certain nombre d'entre eux, voyez, hein, et que eux savent manier sur mon matériau. Ça, ça m'amuse beaucoup. Ça donne parfois des situations très, très, très, très, très, très intéressantes. Et combien de fois j'ai constaté que quand je rencontre des étudiants, ou bien quand je vais dans un colloque, etc., faire une intervention, combien de fois j'ai constaté qu'il y a une sorte d'attraction-répulsion, vous voyez, par rapport à ma façon d'empoigner le matériau. Hein. Ça suscite une forme de... Ils sont un peu interdits, comme ça, parce que ça n'entre pas dans leur catégorie de pensée, hein, et ça n'entre pas dans leur catégorie lexicale non plus, vous voyez. Hein. Et en même temps, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui se dit. Voilà, hein. Alors c'est très, très... J'aime assez ce double mouvement, vous voyez. Voilà. Bon. Un deuxième petit pas de côté. On fait comme on peut. Un deuxième petit pas de côté sur le regard qui est vôtre. Vous vous décrivez comme regardeuse professionnelle. Oui. Ça, c'est dans Chantier. Oui. Puis dans un autre texte, vous dites « j'ai l'œil, je n'oublie à peu près rien. Ce que j'ai oublié, je l'invente. » Et pourtant, on sent que dans vos textes, il n'y a pas que du regard, il y a beaucoup de mémoire aussi. Et autre chose, inventer plutôt qu'enquêter. Je pense que ce n'est pas dans votre manière de faire que de faire des recherches sur un texte. Je pense à la petite fille qui avait disparu. Oui, là-dedans. Voilà. Vous n'avez pas voulu, vous auriez pu enquêter, vous ne l'avez pas fait. Non. Je pense à un livre de lecture première, Rémy et Colette. Vous dites, il y avait sans doute, je pourrais le retrouver, mais je n'ai pas envie de le retrouver. Et puis, finalement, il y a aussi la Santoire. Vous connaissez la Santoire, cette rivière qui traverse donc le village. Vous connaissez le bout qui vous intéresse. Vous pourriez aller plus loin ou plus bas, mais non. Oui. Allez-y, dites-nous quelque chose par rapport à ça, ce regard, ce Alors, non besoin d'enquêter. Vous fiez à votre mémoire. C'est interdiction d'enquêter même. Hein. Vous fiez à votre mémoire et à votre senti plutôt qu'à des choses réelles, vérifiées. Je ne me reconnais pas le droit d'enquêter. Je vais, alors, j'ai l'œil, je n'oublie à peu près rien. Ce que j'ai oublié, je l'invente. Attention, c'est dans un roman. C'est dans un roman. C'est dans nos vies. C'est la narratrice de nos vies, qui s'appelle Jeanne Santoire, qui dit cela. Donc, je ne le reprendrai que partiellement à mon compte. Que j'ai l'œil, ça, je crois que je l'ai toujours eu. Roman... François Mauriac dit que les romanciers furent des enfants espions. Vous les avez invités chez vous le dimanche après-midi, vous avez fait votre plus belle tarte, vous avez sorti vos belles assiettes, ils sont venus goûter avec leur grand-mère, vous n'êtes pas méfiés, vous aviez des bons napperons, et 30 ans plus tard, vous retrouvez votre tarte, vos napperons, votre salon un peu, dans le roman, et pas forcément sous son meilleur jour. Et vous n'êtes pas forcément très très content. Et François Mauriac raconte ça avec beaucoup de saveur, avec cet esprit merveilleux qu'il a, dans le romancier ses personnages, qui est un essai très très beau sur l'écriture, et pas du tout jargonnant et extrêmement éclairant. En fait, j'ai l'œil, alors j'oublie certainement que j'oublie, mais déjà, travailler avec ce qui reste pris dans le tamis de mon oublieuse mémoire, je n'aurai pas assez de toute ma vie pour y suffire. Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure regard et mémoire. Ben oui, regard et mémoire, en effet. C'est-à-dire que les romanciers, je crois, il y a toujours en eux quelque chose ou quelque chose qui est aux aguets. Toujours. L'œil, bien sûr, mais pas seulement l'œil, bien sûr. Tous les sens, tous ceux qui sont répertoriés au registre officiel et tous les autres qui n'ont pas de nom. Voilà, toujours on absorbe, toujours. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Ensuite, je laisse macérer, et ce qui va remonter, c'est ce avec quoi je vais travailler. Et le reste, c'est parti. Donc, je n'ai jamais tenu de journaux, par exemple. Vous voyez, impossible de retenir, impossible. Voilà. Et regard et mémoire, ça va ensemble, ça se brasse. Et pour vous donner un exemple, vous voyez... Par exemple, dans Gordana, cette nouvelle dont on parlera tout à l'heure. Gordana, c'est d'abord une personne. Je la rencontre. Elle est caissière au Franprix, dans mon supermarché de quartier. Petit supermarché de quartier. C'est 2003-2004. Et elle a des caractéristiques telles que, la rencontrant en tant que personne, je passe toujours avec elle. Elle reste 2 ans presque. Je passe toujours avec elle à la caisse. Je ne parle jamais avec elle. Elle dit à peine bonjour, bonsoir. Elle ne veut pas parler. Et moi, je ne suis pas causante non plus, je ne pose pas de questions. Donc, voilà. Je sais qu'elle fera personnage. Je le sais. Quand je passe à la caisse avec elle, je me place sous le robinet textuel. Je le sais. Alors là, c'est clair et net. Je le sais parfaitement. Vous voyez ? Mais je n'ai pas besoin de poser de questions. Je vais à la pêche. Je regarde ses mains, ses poignets, la façon qu'elle a de se tenir, sa blouse, ses vêtements... voilà, je ramasse, c'est tout, vous voyez. Bon, quand ensuite je vais être au chantier d'écriture du roman, de la nouvelle d'abord, donc 2010, hein, 6 ans après. Eh bien, sans que je sache pourquoi, et sans que je l'ai vu venir, ce corps-là, cette manière d'être, donc que j'ai enregistré, vous voyez, 6 ans auparavant, hein, pour employer un terme technique, enregistré, d'accord ? Eh bien, je vais les mélanger avec un autre motif, qui est une caractéristique physique qu'a le personnage de ma nouvelle, que présente aussi le personnage de mon roman, mais que ne présentait pas la vraie Gordana dans la vie. Et cette caractéristique physique terrifiante, hein, c'est très affligeant, hein, eh bien, elle vient, je le sais exactement quand je le fais, hein, elle vient des années, vous voyez, je suis née en 62, donc elle vient des années 73, 74, 75, et du fin fond du Cantal, où j'ai connu un commerçant chez lequel je me rendais avec ma mère fréquemment. Ma mère se demandait bien pourquoi je venais avec elle. Ben, je venais pour me rincer l'œil. Je venais parce que j'étais complètement fascinée par une caractéristique physique de cet homme qui était cordonnier, hein, qui était stupéfiante, bien sûr, sur laquelle je ne posais pas de questions non plus d'ailleurs, et que j'ai gardé en mémoire, et qui remontait à ce moment-là, vous voyez. Et cette caractéristique physique est venue se greffer sur le corps glorieux de cette Gordana. Et comment ça se fait ça? Comment? Pourquoi ça remonte à ce moment-là? Il y a une abrasion temporelle que vous saisissez, vous, hein, voyez, hein, de 2004 d'un côté, hein, 1974 de l'autre. Voilà. Hein, bon. Et c'est comme ça tout le temps. Hein, il y a un écrasement du temps. Hein, et les processus de la mémoire, alors là, pour le coup, sont extrêmement opaques. Hein, pourquoi ça remonte? Ou pourquoi pas? Et pourquoi à tel moment? Voilà. Encore une fois, j'espère. On va parler de Gordana, vous avez déjà commencé. Accepteriez-vous de nous lire les deux dernières pages de l'histoire? Oui. Qui sont une introduction à partir de... On écrit les romans complets. D'accord. Hein, d'accord. Qui vont introduire nos propos. D'accord. Donc, histoire et ce texte inédit, hein, que j'ai écrit pour accompagner la réédition des nouvelles. On fait les livres qu'on peut. Romans, nouvelles, romans, et d'autres formes qui s'inventent et n'auraient pas de nom. Je suis à l'établi depuis près de 20 ans. J'ai écrit ça en 2015, donc c'est ça. Depuis près de 20 ans. Et n'ai à peu près rien appris d'autre que ça. Toujours, du texte fermente et travaille à l'intérieur de moi, sous ma peau, dans ma viande, derrière mes yeux. Du texte, des mots, des phrases, de la matière, du matériau, du vent, des gravats, des soirs d'été, du silence, des bêtes, des gens, des livres, d'autres livres, les livres des autres, des vivants et des morts, du vent, encore du vent, le monde et sa plaie ouverte, et les hivers, et le feu, et la joie, et l'attente, le guet, la patience d'être. Toujours. Ça n'arrête pas. C'est dans ma vie, au milieu ou à l'épicentre. Activité sismique, coulée textuelle et mêlée de mots au centre du terrain. Depuis octobre 1996 et les premières lignes de liturgie, je ne cesserai pas de travailler sur un seul et même chantier. De temps en temps, je prélève un morceau, je l'extrais, je l'exhume, il sort, il s'extirpe et s'expectore, et ça fait un livre. On continue, ça continue. Depuis juillet 2014, je suis au chantier de Gordana. Gordana est un prénom de femme rêche et jaune, et c'est aussi le titre d'une longue nouvelle parue au printemps 2012, dont j'ai toujours plus ou moins senti qu'elle était un départ de piste et donc peut-être un début de roman. J'ai attendu, j'ai laissé les pistes courir dans le maquis du temps et des choses. J'ai laissé, et je ne les suivrai pas toutes, il y en a trop, on s'y affolerait, on s'y perdrait. Je ne donne pas dans la saga, ni dans le roman fleuve, ni dans la série à épisodes. Je fais, ça avance, ça travaille. Je me tiens à carreau et je ne la ramène pas. Quelque chose pousse son étrave, je ne sais pas où ça va, vers le rien ou vers un prochain livre, ou ailleurs encore. J'aime ne pas savoir et aller dans le désir du texte comme on marche, les yeux ouverts, à plein corps. Merci. En fait, il y a juste un détail qui me laisse perplexe. Je crois que j'ai fait une erreur. C'est pas juillet 2014, c'est juillet 2013. J'ai écrit juillet 2014. Mais je prends jamais de, je mets pas de note, de date sur les manuscrits. J'ai tort parce que je mélange tout. Voilà la nouvelle publiée aux éditions Le Chemin de Fer, qui a cette particularité d'associer un ou une illustrateur au texte. Bon, une vingtaine de pages, ou une cinquantaine de pages, on enlève l'illustration de à peu près 30 pages, et voici le roman, donc, qui part de ce même personnage de Gordana. Mmh. Avec, toutefois, de votre part, je pense, comment je vais dire ça, un désir de brouiller les pistes. C'est-à-dire que le roman... Le personnage de Gordana s'est déplacé, l'intérêt du roman s'est déplacé. Le personnage de Gordana est devenu, on va pas dire accessoire, mais moins important. Et vous avez fait entrer en scène un autre roman qui s'appelle Jeanne, c'est pas anodin, Jeanne Santoire. Il est dit dans ce petit livre, je crois, si un jour j'écris un roman, je prendrai le pseudonyme de Santoire. Et on a l'impression que vous cherchez un peu à brouiller les pistes, à savoir que Jeanne Santoire, c'est un peu vous sans l'être tout à fait, elle est plus âgée que vous. Elle est fille de commerçant, vous êtes fille de paysan. Elle vient de Saint-Hilaire, alors que vous-même venez du Cantal. Mais par contre, c'est dans l'Allier. Oui, oui, oui, ça reste un peu dans le même coin quand même. La voisine, votre voisine, qui elle a 30 ans de plus que vous, s'appelle Madame Jaladis. Et elle, par contre, elle connaît très bien la Santoire, et c'est pour ça qu'elle vous aime bien. J'ai l'impression que vous vous êtes amie. Elle aime bien la Santoire. Elle aime bien Jeanne Santoire, mais elle aime bien la Santoire aussi. Elle connaissait la rivière, elle est née pas très loin. J'ai l'impression que vous vous êtes amusé avec ça, qu'il y a une part de jeu dans ce livre. Mais il y a une part de jeu dans tous mes livres. Hein. Ça n'apparaît pas de façon forcément ou férocement explicite. Hein. Là, c'est assez... Oui, là, tout à fait. Ouais. Il y a un jeu sur l'identité. Mais vous savez, je dis volontiers que j'ai placé en exergue de celui de mes livres qui paraît le plus loin de moi, Meaux. Ça se passe dans la banlieue d'Avignon, ça se termine à Marseille. Moi, c'est Mohamed, il n'est pas né fils de paysan dans le Cantal. Vous savez ce que j'ai mis en exergue du livre ? Je suis toujours autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un poisson. Fellini, le cinéaste Fellini. Oui. Voilà. Donc, je fais ça tout le temps. Tout le temps. Alors, comme vous êtes un lecteur pointu, je suis payé pour ça. Vous tirez les fils. Hein, mais vous écrivez, donc vous tirez les fils. Mais je fais ça tout le temps, tout le temps. Et parfois, c'est extrêmement jubilatoire, en effet, parce que je suis la seule à savoir à quel point je le fais et comment je le fais. Et ce qui, tous les motifs, si vous voulez, que je peux tirer de ma mince et dérisoire biographie pour les retravailler dans le roman, en les transformant, en les camouflant complètement. Alors... en effet, il y a quelque chose de moi dans Jeanne Santoire, notamment dans ce regard qu'elle a toujours comme ça aux aguets sur, par exemple, les gens qu'elle croise dans le métro. Vous voyez, elle prend le métro pour aller travailler le matin, le soir, et, les gens, les corps des gens, la façon de s'asseoir, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, lui servent de matière à fiction. Hein. Elle galope sur des pistes fictionnelles à partir de... Voilà. En ce qui me concerne, je m'amuse de ça, j'en joue, hein. Je brouille les pistes. Hein. Donc, parfois, je me retrouve un peu prise à mon propre piège, c'est-à-dire à mon propre jeu, si vous voulez, hein, voilà, amenée à un peu pousser comme ça dans mes retranchements. Mais en fait... Ça fait partie des dimensions extrêmement jubilatoires de l'écriture, vous voyez. Justement, ce que j'appelle, moi, ma marge de fiction, elle est là, hein. J'invente pas, je réinvente. Et j'appelle ça, moi, les stratégies d'évitement, les rideaux de fumée. Hein. Et ça, c'est extrêmement... ça me paraît très, très nécessaire à mettre en place. Hein. Pas seulement pour se protéger soi, mais pour protéger les personnes que l'on enrôle sur le livresque bateau et qui deviennent personnages, et qui sont susceptibles de se reconnaître ou d'être reconnus. Ce qui est extrêmement difficile comme position. Et j'ai assez vite compris ça en publiant mes premiers livres, où je n'avais pas cette distance, et j'ai appris à la prendre, cette distance, vous voyez, et à brouiller les pistes de façon telle que, bien souvent, on s'y retrouve pas, ou on croit s'y retrouver, mais on s'y retrouve pas, en fait. Et les pistes sont fausses. Voilà. Et ça, ça me... c'est ma part de fiction en moi. Là, j'en ai pas d'autre. Encore une fois, je dis toujours que le réel m'épuisera. Il est inépuisable. Et je n'en viendrai pas à bout. Il me fournit mais plus de matériaux qu'il ne m'en faudra jamais et que je ne pourrai jamais, je pense qu'on peut vous dire, en traiter, vous voyez, en malaxer, en mettre en forme. Voilà. Donc, en l'occurrence, se méfier de Jeanne Santoire. Oui. Même si, en effet, elle porte ce patronyme de Santoire, qui court dans tous mes livres. Et cette Santoire, donc, je l'ai dit explicitement à plusieurs endroits, je l'ai écrit, je l'ai dit, c'est une rivière infime qui borne le pré de mes parents, une rivière à truites. À l'origine, il n'y a plus de truites aujourd'hui dans la Santoire. Mais elle borne le pré de la ferme dans laquelle j'ai grandi. Et je pensais, en effet, quand j'étais enfant, adolescente, jeune femme, que si un jour j'écrivais, je prendrais le pseudonyme de Santoire, parce que c'est aussi un patronyme, bien sûr. Et je l'ai oublié. Ça fait toujours rire. Quand j'ai signé mon contrat en octobre 2000, je me revois ressortant du bureau dans le 6e arrondissement, là, vous voyez, ressortant de l'hôtel particulier où se trouvaient à ce moment-là les bureaux de Buchet-Chastel. Et dans la rue, d'un seul coup, je me suis arrêtée, comme ça, je me suis arrêtée. J'ai fait ça, comme ça, ce geste. Et je me suis dit, j'ai oublié le pseudonyme. Je me suis dit ça, je me suis dit. Un acte manqué, peut-être. Mais bien entendu, je ne suis pas remontée. Faire changer le contrat. Parce que vous l'expliquez, ça aussi, que la fonte, c'est quand même la fontaine, bien la sûr. Source. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, je suis quand même un peu frottée de latin, je l'enseigne vaguement. Donc évidemment, la fonte, étymologiquement, c'est l'endroit où coule la source. Voilà. Mm-hmm. Donc, bon, on pourrait dire l'eau de la source de la Santoire coule dans mon nom. Enfin, on fait comme on peut, on s'arrange là aussi comme on peut. Mais vous voyez, il y a quelque chose de très, très organique là aussi, et très mouvant comme ça. Donc, ce patronyme de Santoire, vous allez le retrouver à maintes reprises dans mes livres. Et j'ai presque envie de vous dire, au fond, ce que j'ai dit de plus intime sur la Santoire, c'est dans Joseph. Il y a trois lignes dans Joseph que j'ai longuement hésité à retirer. Joseph, c'est un ouvrier agricole, c'est le personnage principal de mon précédent roman de 2014. Et j'ai longuement hésité parce que c'est une signature tellement intime. Et finalement, je l'ai laissé. Et ça dit quelque chose comme la Santoire, c'est un peu comme si elle coulait à travers lui. Vous voyez, j'ai le sentiment, voilà, c'est une rivière qui coule à travers moi. Et en moi, quand bien même j'ai fait ma vie d'adulte depuis très longtemps maintenant, à 500 km de la Santoire. Elle n'en finira pas de couler dans mes livres aussi. Et je crois que c'est un rapport à l'intimité qui est au fond peut-être bien plus intime que bien des expositions explicites de faits relevant de l'intimité qu'on peut rencontrer dans certains courants de littérature contemporaine. Mais ça se fait autrement. Voilà. Ça passe par d'autres canaux. Vous voyez, je n'avais pas pensé au mot canaux. Enfin, ouais. Au fil de la métaphore. Alors, c'est vrai que, bon là, c'est particulièrement évident que Jeanne Santoire, c'est un peu Marie-Hélène Lafont qui revêt un masque, on va dire, pour se dire, se raconter. Du coup, le personnage de Gordana se retrouve, lui, un tout petit peu affadi, alors qu'il y avait quand même cette particularité physique, donc tout à la fin, qui fait que ce personnage très beau, avec une poitrine absolument étonnante, on découvre le petit défaut physique, qui est une sorte de chute, en fait. C'était la chute de la nouvelle. Qui était la chute de la nouvelle. Et là, ma foi, vous l'annoncez assez vite, elle se lève, et puis on s'aperçoit qu'elle boite, parce que c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est plus la chute. C'est-à-dire que le texte continue après ça. Ça devient presque anodin, du coup, cette ça la sépare, quand même, ça fonde sa solitude. Un petit peu. Vous voyez, quand j'ai commencé le roman, quand j'ai rouvert le chantier, en me disant, il y a une piste de roman, voyons. J'ai pas relu la nouvelle. Hein. Je suis partie sur les derniers mots de la nouvelle. Le providentiel habitacle de la caisse 4. J'ai fait exprès de parler à rire. Hein. Donc j'ai taillé la route et produit du texte, hein, qui petit à petit a pris forme. Et au bout du compte, le chantier s'est clos avec un roman. Mais tout de suite, hein, au bout de 2 ou 3 semaines de travail, j'ai senti qu'en effet, le centre de gravité du roman allait se déplacer. Mmh. Que Cordalane ne serait plus au centre du terrain. Elle était le personnage principal de la nouvelle. Mmh. Mais qu'un des personnages secondaires de la nouvelle allait prendre le pouvoir. Voyez, hein. Et ça, ça s'est fait, je ne l'avais pas du tout prémédité. Mmh. Voyez, hein. Et donc, ensuite, une fois que j'ai terminé le premier jet du chantier, je suis revenue sur le texte de la nouvelle. J'en ai retravaillé certains aspects. J'ai fait quelques insertions pour donner, si vous voulez, une unité à l'ensemble. Afin qu'on ne sente pas la nouvelle comme un corps étranger. Afin qu'on n'ait pas le sentiment, justement, que c'était une nouvelle rallongée, vous voyez. Hein, qui est une unité. C'est même pas le même texte. Voilà. Qui est une unité organique entre tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un renversement que je n'avais pas du tout anticipé. Mmh. La trace de ça, je vais vous dire ce que ça a été, ça a été la question du titre. C'est peut-être celui de mes livres dont j'ai eu le plus de mal à trouver le titre. Parce que j'avais le titre de Gordana, qui était le titre de la nouvelle, qui ne pouvait évidemment plus servir, mais qui faisait écran. Je ne trouvais pas de titre. J'étais vraiment extrêmement empêchée. Je ne l'ai trouvé que très très tard, hein, ce titre « Nos vies ». Sans entendre, tenez-vous bien, dans « Nos vies », sans entendre l'écho de « Une vie » de Maupassant, c'était absolument pas conscient. Et des vies minuscules de Pierre Michon. C'était pas conscient non plus. Il faut le faire quand même. Hein. Vous voyez ? Ça veut dire à quel point il y a de l'opacité dans le travail. Hein. C'est une fois seulement après avoir trouvé le titre, après l'avoir proposé à mon éditrice, après avoir compris que c'était bon, que ça allait être celui-là, que je me suis dit, mais évidemment, il y a Maupassant, il y a Michon, enfin, ils sont là. Vous voyez ? Mais je le sens pas. Je l'entends pas dans un premier temps. Hein. En plus, le personnage principal, quand même, du roman s'appelle Jeanne. Comme dans Une vie de Maupassant. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Mais les réminiscences, il en va des réminiscences littéraires comme des réminiscences mémorielles, des motifs, vous voyez. Hein. En ce qui me concerne, je ne les pilote pas du tout. Du tout. Hein. Je laisse faire. Je me demande si la mère de Pierre Michon ne s'appelait pas Jeanne. André. André ? Oui, André Gaillaudon, d'accord. Elle s'appelait. D'accord, ouais. D'accord. André, mais c'est très intéressant, parce qu'André, étymologiquement, c'est chargé. Hein. Mm. C'est aner andros, en grec, c'est le mâle. Hein. C'est pas l'être humain, c'est le mâle viril, vous voyez. Ça veut dire ça, André. Hein. Et la mère de Pierre Michon, elle a fait le père et la mère, puisque son père est parti quand il avait 2 ans. Oh là là, c'est un programme. Oh, c'est Pierre Michon, alors là, moi, je vous fais... Alors justement, on va y venir une dernière question avant de donner la parole. Voilà, le personnage de roman. Avant de donner la parole au public. Je crois, c'est dans Traverser, il y a un mot qui revient, qui est ce mot de fierté. La fierté d'être ce que vous êtes et d'habiter ce pays que vous êtes, surtout quand les touristes arrivent. Voilà, les touristes arrivent. Et on découvre que le sentier que l'on prenait pour aller chercher les vaches chaudes, ça s'appelle maintenant un sentier de grande randonnée. Et que ces gens viennent avec de belles chaussures et tout. Et ils vous posent des questions. Ces vaches sont très jolies, ou comme c'est joli là. Et puis vous terminez, et on est fiers. Ma question c'est, est-ce que cette fierté vous est venue par l'évolution donc du tourisme, ou par certains auteurs qui vous ont marqué? Je pense à Richard Millet, Pierre Michon, bien évidemment, dont on vient de parler, et Pierre Bergougnoux. Est-ce que cela vous en donnait, ce sentiment de fierté et le sentiment et l'envie d'écrire? Alors, l'envie d'écrire, je l'ai attrapé à l'école. Comme on attrape une bonne maladie. Je l'ai attrapé en apprenant à lire et à écrire. Alors ça, vraiment, vous voyez, ça a été... donc, je ne suis pas allée à l'école maternelle, il n'y avait pas d'école maternelle, donc je suis allée directement au CP. Alors, j'arrive pas bien à calculer, mais j'ai dû rentrer au CP à 7 ans. Je suis du mois d'octobre, donc j'ai eu juste 7 ans. Et j'ai eu le sentiment que lire et écrire, c'était magique. Et que c'était ma place. Que moi, je ferais ça plus tard. C'est-à-dire avec les mots, je ferais des phrases pour raconter des histoires qui seraient dans des livres. Comme ça. Et je crois que ça a été fondateur pour moi, parce que, pour toutes sortes de raisons... j'étais confrontée à des choses un petit peu chaotiques, et que l'école en me présentant ce schéma-là, si vous voulez, ce chemin-là, a fait la trace, quoi, comme on fait la trace dans la neige pour qu'on puisse avancer. Elle a fait la trace dans ma vie d'école. J'en suis jamais sortie, hein. J'ai été professeur toute ma vie, je le suis encore. Voyez. Donc ça, c'était vraiment fondateur, absolument fondateur. Le désir d'écriture, il s'inscrit là. Voilà. Et le sentiment de fierté. Alors, le sentiment de fierté, il préexiste bien avant la lecture extrêmement tardive des trois auteurs que vous avez cités et que vous avez eu raison de citer, sur lesquels je reviendrai. Le sentiment de fierté, je crois que je l'ai eu extrêmement tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai eu extrêmement tôt. Alors, il confinait à l'orgueil. Hein. C'est pas terrible, hein. Et bon. Parfois, on a du mal à démêler les deux. Hein. Il confinait à l'orgueil, et je l'ai eu très tôt. Je crois que c'était ma manière à moi de me défendre de ce que j'entendais. Ce que j'entendais autour de moi, c'était « On est les derniers Indiens. On est périmés. C'est fini. C'est fini. On va mourir. On est en train de mourir. On est déjà mort. » J'entendais ça de la part des adultes, hein, avec une énergie phénoménale en même temps, hein, mise à faire les choses. Hein, à faire en sorte qu'on ait une étape bien tenue, que le foin soit bien ramassé, que les prés soient comme du gazon. Enfin, voilà. Il y avait ce paradoxe absolu de la mort et de l'énergie vitale phénoménale. Et moi, je crois que pour me défendre de ça, un, j'ai contracté l'orgueil de ce pays que je voyais autour de moi, hein, et qui était menacé de disparition et donc me paraissait d'autant plus beau. Nécessaire, vous voyez, hein, rare, parce que menacée de disparition, vouée à la disparition, puisqu'on me disait, moi je croyais ce que les adultes disaient, que ça allait être fini, quoi. Voilà. Et j'ai grandi dans cette, quand même, cette imminence d'une sorte d'apocalypse, vous voyez, qui n'est pas survenue. Ce qui est survenu, c'est une mutation tellement énorme qu'elle ressemble à une mort, mais c'est pas une mort. À force de ne pas finir de finir, ça ne finit pas tout à fait, vous voyez. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour encaisser ce choc-là. Donc, je crois que la fierté et l'orgueil, elle m'est venue très, très vite comme ça. Et elle m'a été extrêmement salutaire. Extrêmement salutaire. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec le pays, avec le paysage, qui s'est noué très, très tôt. Hein. Et ce sont pas... on ne me disait pas autour de moi, c'est très beau. Personne ne disait que c'était beau. Hein. Moi, je voyais, c'est tout. Hein. Je me souviens très, très bien, quand j'étais enfant, on faisait les foins. Ce n'est pas les foins, Madame de Sévigné. Hein. On fanait vraiment, quoi, on travaillait. Hein. Les enfants dans les fermes, on travaillait. Quoi, hein. Et on faisait les foins. Et moi, je me souviens, quand on remontait le soir, quand on avait fini de faner un pré, vous voyez, je revois la lumière du soir, le vert et le bleu. Le vert et le bleu de tous les étés. Le voilà. C'est là que je l'ai contracté, ce goût-là, vous voyez. Quand j'ai commencé à avoir de la peinture à 25 ans, j'ai immédiatement eu un goût très très fort de la peinture de paysage parce que j'avais été nourrie par ces paysages et il y avait du recours pour moi là, vous voyez, hein. C'était pas menaçant, ça, c'était d'une douceur et d'une force incroyable, hein. On remontait avec le char de foin, vous voyez, et de temps en temps je regardais derrière et je regardais ça, c'était parfait, c'était des images parfaites que j'emportais, j'en parlais pas, hein, parce qu'on ne tourne pas rond, mais c'était vraiment vous voyez, donc ça a commencé là, l'orgueil. L'orgueil et la fierté, je n'ai pas démêlé les deux. Et ensuite, quand je suis arrivée au pensionnat, à 11 ans, au pensionnat religieux à Saint-Flour, là, il y a eu une cristallisation qui eût pu être extrêmement fâcheuse, j'aurais pu très mal tourner, à savoir que là, pour le coup, j'ai découvert la lutte des classes, un peu brutalement, hein, parce qu'à l'école primaire, on était tous pareils. Vous voyez, il y avait les gosses du bourg, et puis il y avait les gosses des fermes écartées, mais on était tous pareils. Tandis qu'au pensionnat religieux, il y avait des filles de paysans internes, et puis il y avait les enfants des bons bourgeois Saint-Florin. Voyez, des professions médicales, etc., qui étaient dans l'école privée avec nous, et qui nous traitaient, mais alors, comme des bouses, hein, littéralement. C'est-à-dire, on était des pecnots, on sentait pas bon. Voilà, et alors là, pour le coup, là, j'aurais pu mal tourner, parce que, alors, c'est là que la fierté est devenue de l'orgueil, voyez, puis un orgueil combatif. D'accord, on sent la bouse, mais vous allez voir, hein, les bouseux, ce qu'ils ont dans le ventre, voyez. Et ça, c'était pas terrible, quand même. Hein. Bon, ça m'a donné la rage, mais c'était pas terrible. Mais de notre côté, l'avantage, c'est que voilà, j'ai été ce qu'on appelle une excellente élève pour ces motifs-là, qui étaient très mauvais motifs. Voyez, hein, et parce que je ne voulais pas que l'orgueil paysan soit bafoué. Voilà. Et au fond, bon, après j'ai fait des études, etc. Et je me suis interdite d'écriture pendant très très longtemps, pour des raisons très culturelles, très, très sociologiques en quelque sorte. Hein. Et quand je suis tombée à 33 ans. Non, en. Ben oui, 95. Ma sœur m'a offert la gloire des pitres de Richard Millet. En mars, virgule, il se mettait à puer considérablement. C'est ça la première phrase. Ce sont les morts du plateau de mille vaches qu'on n'enterre pas l'hiver parce que la terre est trop dure. Et en mars, au moment où, du redoux, ben, la terre se ramollit et on peut les enterrer, heureusement, parce qu'ils commencent à sentir mauvais. Et je suis tombée là-dessus. C'est ma sœur qui me l'a offert, donc. Hein. Je l'ai lu, ça. Et j'ai compris qu'il y avait Richard Millet, Pierre Michon, Pierre Bergoglio, qui, à partir du lieu et du milieu d'où je venais, à partir de l'extrace paysanne, étaient en train d'écrire des œuvres. Et que c'était des aventuriers de la langue. Et que par le travail de la langue, ils étaient en train de faire, voilà, de faire une cathédrale de mots pour ces vies écrasées. Vous voyez, ces vies perdues, les vies des derniers Indiens. C'était possible, ils le faisaient. Alors il fallait que je me mette au travail. Ce sont eux qui m'ont acculé à l'écriture. J'ai une dette envers eux, je ne cesserai pas de la proclamer. Quand bien même Richard Millet est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire que, bon, de l'eau a coulé sous les ponts et il a un peu pris fâcheuse tournure, mais c'est un immense écrivain, il a écrit des livres magnifiques. Hein, et, bon, comment Pierre Bergoglio, qui doit œuvrer pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, Gif sur Yvette, c'est pas dans les sommes. Gif sur Yvette, si. Voilà, c'est ça. Hein. Et bon, voilà, c'est un immense écrivain. Et Pierre Michon, pour le coup, c'est celui avec lequel je me sens le plus en affinité. Vous voyez, et ce mot extras, par exemple, pour qualifier l'origine, hein, que j'aime infiniment, c'est de lui qu'il vient. C'est lui qui l'utilise. Vous voyez. Et ça a été vraiment. Au fond, il y a des déflagrations dans les vies. Hein. Je pense que pour moi, là, mais de bonnes déflagrations. Vous voyez, je pense que pour moi, l'entrée à l'école primaire en a ensuite une, hein, et la lecture, hein, pendant l'hiver 95-96. Hein, oui, c'est ça, 95-96. De ces auteurs-là, en fut une autre, vous voyez. Hein. Et je me suis mise au travail. Et mon premier texte, Liturgie, pour boucler la boucle, je l'ai envoyé à Pierre Michon. Il était court, hein. J'ai osé le lui envoyer parce qu'il était court. Il m'a répondu en me disant qu'il ne lisait pas les textes qu'on lui envoyait parce qu'il n'était pas éditeur. Comme je le comprends. Mais qu'il avait lu le mien parce qu'il était court. Il fallait que je travaille. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vous voyez, hein. Je l'avais élu comme père en écriture, hein, et c'était un texte sur le père, sur le corps du père. Liturgie, c'est un texte sur le corps du père. Hein. Donc, du père au père. Et Pierre Michon, je le connais bien maintenant, hein, je l'ai beaucoup pratiqué, on a beaucoup, j'ai lu ses propres textes devant lui. Vous l'avez peut-être vu à la Grande Librairie au mois de novembre, nous y étions ensemble. Enfin, c'est quelqu'un dont je connais assez bien, je crois, l'œuvre, et quelqu'un dont je suis, non pas familière, parce qu'on n'est jamais familier de Pierre Michon, je crois, mais que j'approche régulièrement, et c'est une grâce, hein, que les textes qu'il a écrits existent, et puis que cet homme dise ce qu'il dit de la littérature, vous voyez. Donc, un auteur à lire. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut commencer par La Grande Beune, hein, qui est un très court texte, B-E-U-N-E. C'est par celui-là que j'ai commencé, c'est pas par les vies minuscules qui peuvent être très impressionnantes. Les vies minuscules, ça peut mettre à distance. Il faut commencer par La Grande Beune, qui est un texte absolument torride sexuellement. Et après, on peut galoper. Très court. Et en plus, l'œuvre de Pierre Michon est très courte. Son seul livre un peu dodu, ce sont les vies minuscules. Tous ses autres livres sont des textes très courts. Et il a une œuvre incroyablement dense, qui pour moi est la plus grande œuvre littéraire de la deuxième moitié du XXe siècle. Oui. Alors, avant de vous entendre sur un dernier texte, y a-t-il quelques questions parmi notre public? Tout ce que vous auriez toujours voulu savoir sur Marie-Hélène Lafont et son œuvre, et n'avez jamais osé demander? Kamel. J'ai l'impression, bon, d'après ce que j'ai entendu, que bon, il est de la campagne, hein, du Cantal. En revanche, dans le dernier livre, j'ai l'impression que vous parlez un peu de la solitude dans les villes. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, vous savez, la question d'une écriture du monde urbain. Moi, j'ai passé les 18 premières années de ma vie dans cette ferme et puis au pensionnat de Saint-Flour dans le Cantal. Et en 80, je suis arrivée à Paris pour faire des études de lettres classiques. J'y vis depuis. Alors, je vais beaucoup dans le Cantal. Hein. J'y passe 10 semaines par an. J'ai un lien définitif avec ce pays. Mais j'ai bien plus longuement vécu à Paris. Et de surcroît, j'enseigne depuis très longtemps maintenant. Et j'ai, pendant 14 ans, été professeure en banlieue parisienne. Vous voyez ? Donc j'ai aussi écumé la banlieue, hein, certaines banlieues, hein, c'était l'Académie de Versailles, et dont vous faites partie, vous d'ailleurs, ici. Mmh. J'ai enseigné dans l'Essonne, Sceaux-les-Chartreux. Mmh. Ah, puis il y a un autre endroit, Igny, voilà. Hein, oui, bon, voilà. Et donc, écrire de la ville, l'écriture de la ville, ça me taraude depuis longtemps. Et dès 2003, je publie un livre mixte entre les deux mondes, entre Paris et une ferme des origines. 2012, Les Pays, c'est exactement le même dispositif. C'est un livre mixte. Mot, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est un livre totalement citadin, mais ce n'est pas Paris. C'est banlieue d'Avignon et Marseille. Et avec Gordana, d'abord, et puis Novi, ensuite, je m'aventure en effet, de façon très explicite, pour la première fois, sur un terrain exclusivement citadin et de surcroît parisien. Voilà. Et évidemment, vous avez tout à fait raison de pointer la question de la solitude. Si ce n'est que la solitude est un terme transversal dans tous mes livres. La solitude de Jeanne Santoir, solitude très citadine, n'a rien à envier à celle de Joseph, dans mon précédent roman, qui est ouvrier agricole dans une ferme dans le Cantal. Vous voyez, ce sont simplement, j'ai presque envie de vous dire, les oripeaux de la solitude qui ne sont pas les mêmes. Mais l'insularité psychique de mes personnages, que l'on soit dans le fin fond du Cantal ou dans le 12e arrondissement de Paris, je crois qu'elle est la même. Mais la déclinaison de cette solitude est différente. Et ce qui me paraissait très spécifique de l'écriture de la ville, et que j'en ai pas fait le tour, j'y reviendrai, c'est, et ça peut vous paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas, c'est la question de la promiscuité citadine. Hein. C'est-à-dire qu'on est toujours en proximité d'autres corps, quand bien même on a le sentiment d'être chez soi, dans son appartement. Hein. Alors vous vivez peut-être, vous, dans des maisons, hein, mais vos maisons, si elles sont dans le coin, elles ne sont jamais très loin d'une autre maison. Vous voyez, je veux dire par là que la promiscuité des autres, de la vie des autres, du corps des autres, y compris des bruits que produisent les corps des autres quand on vit dans des immeubles, elle est toujours là. Alors il y a des lieux de haute promiscuité, comme on parle de haute montagne, hein, c'est peut-être dans le métro évidemment, ou dans le RER, alors là c'est la haute promiscuité, ce qui n'empêche pas, vous me l'accorderez volontiers, la solitude radicale. Radicale, vous voyez. Ce contraste-là est saisissant, elle me fait, pour moi, fait partie vraiment du motif urbain. Et les deux autres caractéristiques du motif urbain, pour moi, sont la minéralité. Hein. Tous les corps de pays de mes autres livres sont des corps terriens, hein, parcourus de vent, hein, parcourus d'eau, la Santoir, enfin, etc. Hein, parcourus d'odeurs, etc. Et quand on est sur le territoire citadin, alors là, des odeurs, il y en a, et pas les meilleures, hein, mais on est sur un paysage minéral. Hein. La minéralité de la ville, c'est le Paris intramuros, hein, le Paris, mais c'est vraiment très frappant. D'ailleurs, quand on arrive ici, c'est très très étonnant, je le disais dans la voiture tout à l'heure. Hein. C'est extrêmement étonnant pour moi d'avoir fait 30 minutes de RERC et de me retrouver face à des champs avec des coquelicots, vous voyez. Hein. J'imagine que quand on vit à Paris, et quand on travaille à Paris, quand on vit ici, on doit vivre cette dualité tout le temps. Hein. Mais pour moi qui suis enfermé dans l'intramuros, c'est très très étonnant. Et autre point, ce que j'appelle la trépidance. C'est-à-dire que ce que l'espace urbain fait au temps. Tout se passe comme si dans l'espace urbain, l'arc du temps se tendait, en vertu d'on ne sait trop quoi d'ailleurs. Ou comme si les mâchoires du temps s'enfonçaient plus profondément en nous, à partir du moment où on est dans l'espace urbain. Tout semble aller plus vite. Et alors, je pense que vous êtes contaminé hein, en espace périurbain, comme on l'est ici. Hein. Mais songez au lieu, par exemple, où vous allez en vacances. Moi, quand je vais dans le Cantal, j'ai le sentiment d'entrer dans une autre temporalité. Totalement, mais alors c'est physique. Hein. Et pas seulement parce que j'y suis en vacances, parce que mes vacances sont très actives, je travaille beaucoup en vacances. Hein. Mais le rapport au temps est tout autre. Et c'est ces trois points-là, vous voyez, minéralité, promiscuité et trépidance temporelle, qui me semblent caractéristiques du matériau urbain, et je n'ai pas épuisé le sujet. Mais la solitude, c'est évidemment totalement transversal. Dans certaines nouvelles, la nouvelle où vous parlez du père et de ses filles, il y a aussi une promiscuité quasiment animale dans cette nouvelle que je trouve très belle, d'ailleurs, quand les filles font un tour de rôle, une partie de la toilette du père. Elles lavent son dos. Et là, on a l'impression qu'elles sont en train d'étrier un animal, comme l'étable peut être près de la... quasiment inclus. Donc, il y a quand même une promiscuité, alors peut-être pas oui, humaine, oui. Oui, oui. Mais quelque chose de très, très animal et de très sensuel, mais aussi sexuel et relativement gênant. Oui, et tout à fait. Et ça, vous l'écrivez très bien. Donc, c'est incroyable de ressentir le malaise de ces filles face à la présence très sexuée du père. Et en même temps, ça reste très implicite. Oui. C'est diffus et tenace, mais il faut, en ce qui me concerne, en tout cas, je pense qu'il faut que ça reste implicite. Si je pense, enfin, je ne sais pas si je pense, hein, mais vous avez tout à fait raison de souligner cette affaire de... Alors moi, je parlerai de contiguïté entre le corps des gens et le corps des bêtes. Et ça, ça vient des enfances paysannes. Vraiment. Hein. Moi, j'ai grandi dans une ferme où il y avait veaux, vaches, cochons, poules, lapins, chiens, chats, les bêtes. Quoi. On était avec les bêtes. Vous voyez, dans une sorte de proximité immédiate. Alors, proximité, contiguïté. Et je dis volontiers d'ailleurs que dans mes livres, il y a une sorte d'emboîtement des corps. C'est-à-dire que les corps des gens et les corps des bêtes sont dans les corps de bâtiments, à savoir les maisons ou les étables, et que tout ça, tous ces corps, emboîtés les uns dans les autres, sont dans ce que j'appelle le corps du pays, à savoir le paysage. Et tout ça, c'est du corps. Et on peut, me semble-t-il, travailler à tenter d'incarner tout ça avec des lexiques contigus, et qui mêlent, en effet, les... comment dire... qui emmêlent les pinceaux et les fronts, et brouillent les pistes, et font bouger les lignes entre les hommes, les bêtes, et la matière même des pierres, des ardoises, du bois, du vent, des nuits, des étés. C'est le même matériau. Vous voyez ? Pour moi, c'est l'inépuisable réel. Une autre question ? Avant qu'on termine par une petite lecture, puis bien sûr Marie-Hélène dédicacera certains de ses livres après, puisque Philippe nous a fait merci l'honneur beaucoup d'être venu d'avoir charrié les livres, mon Dieu, les libraires qui charrient les livres. Oui, mais enfin, la voiture, elle ne monte pas jusque-là. Ça me sidère toujours. Alors, une dernière nouvelle que Marie-Hélène a proposée, qui est une nouvelle qui a été publiée en revue, hein, ou dans le journal Le 1, dont nous parlions à notre comité de lecture l'autre jour. Cette nouvelle, c'est Éric Fotorino qui me l'avait demandé pour le 1. Un numéro du 1 sur les paysans. Le malaise du monde paysan, etc. Il m'a demandé cette nouvelle. Et voilà, ça donne ça. Donc, s'intitule « Jour de colère ». La tarte est au four. Depuis tout ce temps, sans la mère, il a appris. Jamais, quand elle était là, le père ou son frère ou lui ne se seraient mêlés de ces choses, la nourriture, le linge, le ménage. Après la mort de la mère, la sœur aînée, Colette, qui était mariée à l'autre bout de la commune et avait sa propre maison à tenir, lui avait tout montré très vite, en quelques semaines. La mère était partie d'un seul coup. On n'avait pas eu le temps de prévoir. Mais Pierre avait souvent pensé depuis que, de toute façon, la mère n'aurait pas voulu ou pas pu lui apprendre à lui, un homme, des gestes et des façons de faire dévolues aux femmes. Et pourtant, des frères célibataires qui finissaient ensemble dans une maison, il y en avait toujours eu dans les familles. Mais pas chez eux, pas chez les Lacombe. Jean et lui seraient les premiers et les derniers. Il attend les cousines. Elles viennent une fois l'an, entre le 14 juillet et le 15 août. Elles arrivent vers 3 ou 4 heures au plus tard, et repartent en début de soirée, quand le chaud du jour est tombé. Pierrette conduit. Elle est plus aguerrie et plus jeune aussi, de 4 années seulement, mais à ses âges, ça compte. Suzanne et lui sont de 1933. Ils ont passé les 82. Et ils se suffisent et font leur train sans rien demander à personne. Mais avaler 70 kilomètres de petites routes perdues avec des tournants impossibles, seulement pour se rendre visite, ça devient trop difficile. La dernière fois où il s'est lancé, c'était en juillet 2013, le 12. Il était invité chez Suzanne pour son repas d'anniversaire. Il avait bien fait honneur à tout et s'était retenu de boire. Mais il avait cru ne pas revenir tant la fatigue l'avait pris. Il avait dû s'arrêter un moment à l'ombre, fermer les yeux. Il n'avait pas dormi. Il avait attendu en évitant de penser à ce qui était perdu, à cette vaillance, à cette endurance qu'il avait eue toute sa vie, passant sans mollir d'un travail à l'autre, parce que dans une ferme comme la leur, il fallait savoir tout faire. Pierre le sait, il le sent, jusqu'au fond des os, que la vieillesse est comme une maladie qui n'aura pas de remède et se glisse entre lui et chacun de ses gestes, chacune des pensées qui le traversent, quand il gratte au jardin, quand il donne à ses 5 poules, quand il casse son bois dans l'appentis collé contre la maison, ou quand il sort la voiture du garage le mercredi matin pour partir aux courses à Rion. Il pourrait s'arranger avec l'épicier qui passe le lundi et le jeudi et vend de tout, mais il aime aller faire son tour à Rion, surtout l'été, quand c'est plein de monde, avec des jeunes, des enfants et des gens que l'on ne connaît pas. Il prend son temps. Personne ne l'attend à la maison. Quand Jean était encore là, il n'aimait pas le laisser. Maintenant, il s'arrange à sa façon. Et ça, c'est appréciable. Même s'il préférerait que son frère soit toujours avec lui dans la maison. Il le dira à Suzanne. Il le lui a déjà dit. Et elle pense comme lui. Ils le répéteront ensemble. C'est surtout avec Suzanne qu'il aime parler. Elle comprend mieux. Pierrette lui demandera des nouvelles de sa santé, boira du sirop, jamais de café. Elle mangera un morceau de tarte, mais à peine, presque rien. Il voit bien qu'elle se méfie de son ménage de vieux garçon. Elle regarde le verre et la petite assiette qu'il sort pour la tarte comme si elle voulait les passer au scanner. Elle se retient de poser sur le banc le journal ou un prospectus publicitaire avant de s'asseoir du bout des fesses, des fois qu'elle salirait un peu son pantalon beige. Finalement, après une demi-heure passée dans la cuisine bien fraîche, il prend soin de tenir les volets fermés, quitte à allumer la suspension en plein jour, Pierrette sortira. Elle se jettera dehors en disant qu'elle va faire son tour et le plein de soleil. Ils resteront les deux avec Suzanne. C'est le meilleur, ils se comprennent sans phrase. Suzanne tourne son café dans le verre. Ils aiment ce petit bruit de la cuillère, même s'ils ne prennent pas de sucre. Au besoin, il sortirait pour Pierrette une tasse du service. Avec la soucoupe, on a ce qu'il faut dans la maison. Mais Suzanne et lui préfèrent le café dans le verre. On sent mieux le chaud et le goût. Suzanne est en colère. Elle parle raide. Et il est d'accord sur tout. Ils ont regardé les mêmes informations à la télé et lu les mêmes articles dans le journal. Tout l'été. Ils ont vu les paysans, jeunes ou moins jeunes, qui manifestaient pour les prix du lait et de la viande, et pas seulement dans le coin, mais dans d'autres régions où les gens se débattent aussi et veulent vivre de leur travail. Suzanne s'énerverait. On n'est pas des mendiants, on ne demande pas la charité, on se démène, on y croit. Suzanne se penche vers lui par-dessus la table, dans la bonne odeur des abricots cuits, et secoue la tête. Son chignon bas est un peu en désordre. Elle pose sur la toile cirée un article découpé dans le journal du 2 juillet et lui demande s'il l'a vu. Elle répète « Tu l'as vu, celui-là, tu l'as vu ?» Il l'a vu. Il se souvient du tracteur vert, du godet fixé à l'avant en position haute et du calicot bleu, des lettres rouges, un suicide tous les deux jours, pourquoi ? Et de la combine de travail grise bourrée de paille ou de foin pour faire plus vrai, pendue au godet. Il se souvient. Il se taise. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ces lectures, pour vos réponses, d'avoir joué le jeu. C'est un plaisir de jouer le jeu. Alors, si on ne veut pas le jouer, on ne vient pas. Hein. Si on vient pour faire la barre, ce n'est pas la peine.